radio, si c'est pas à la télé, si c'est moi qui le dis, tu vas croire que je suis fumé. Tellement c'est ridicule, c'est complètement frappé. À ta part incroyable, assez sûr tu balises. J'ai tellement la mata, viens deux fois serrer les cerises. Non, tu n'en crois pas tes yeux, non, non, tu n'en crois pas tes oreilles, non, tu n'y crois pas, mais c'est vrai quand même. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Non, non, tu n'en crois pas tes oreilles, non, tu n'y crois pas, mais c'est vrai quand même. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Ah ouais, il y a des fois tu peux pas le croire, mais... Tu rêves pas, hein? Vas-y, hein? Je te fais essayer, tu vas voir. Tu es bien éveillé, hein? Et pourtant, hein? Je te dis, moi, tu te croirais au moins dans la quatrième dimension. C'est facile, hein? Mais comment c'est possible? Ah, mais franchement, tu te demandes.